Ce mai e deja. Ce papaie, baie, fede, dega. Dar de-a întrebat de bombade. Câte tasele de-o pată maie. Făceam palamă în sava bale. Câte al palmă vese și-o le palie. Că mă trece mea o și medaie. Mamonos negro ale tale. La cuenta fui très très sale. Ta ala je vais la faire chialer. Africa tu n'as pas d'âge. Ils veulent de maie, maie, maie. Pour nos familles sera prise d'otage. A quoi sert d'un client en cage. Envoie le H les millions cash. Oh maie, maie, maie. Madame la juge est lente de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai bataillé, taillé, fait des dégâts. Je n'entends pas toutes ces hyènes. J'suis dans un plat de thieboudienne. Mais moi j'pourrais rougir de haine. Esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business. Je vous en prie, descendez-là. Le cours de tâche n'est qu'est en baisse. Serre-moi un shot de Mandela. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te maillé, maillé, maillé. Famille sera prise d'otage. A quoi sert de pion en cage. Envoie le H les millions cash. Oh maillé, maillé, maillé. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis travaillé comme un sauvage. Lion de la terre en Gaïa R. J'ai fait ce qu'il fallait, fallait. Sénégal, DKR, génération, vous le fallait, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moule à la poussée à tailler, tailler. Passe-moi les masses à Mama Kosa, FL Omara, Salvatrocha. Négro n'a pas vraiment de shot. Le boulet plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pour toi, j'ai formule adéquate. Tu perds de gauche à droite. Tyson Gribord de bombardé. J'vais te casser le dos. Et la branche a trop accéléré. Elle a gâté le rôle. Première roue arrière et des mères. J'ai changé le port. Je suis pirate, donc loup de mer. Je peux te montrer l'écran.